Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Là où Nostradamus s'est trompé ». Il n'y a pas prévu qu'il se ferait faire un... Hein? C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine transformation. Il reste plus grand-chose. Ça remonte des oreilles. Tu peux être surpris? Est-ce que Nostradamus avait prévu que ma naissance? On y a commencé humblement. Non, on ne savait mieux, ça prévit seulement les choses importantes. Okay. C'est là que tu t'es trompé. C'est à qui Nostradamus? Un bonhomme. Mais qui était. C'était un médecin. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité par rapport aux autres de son époque? C'était un médecin, c'était un grand médecin qui a travaillé un bout de temps en Europe pendant les ravages de la peste. Des années 1500. Et c'était un astrologue, on le sait, quelques personnes qui ont profité du fait qu'il a écrit quelques centuries pour écrire des livres. Alors, c'était donc un astrologue, c'était un voyant. Est-ce que c'était un prophète? Prophète, c'est quelqu'un qui parle avant. Prophète, c'est ce que ça veut dire. Donc, avant qu'un événement arrive, c'était probablement un prophète. Donc, lui, c'était un écrivain. Et puis, c'était un personnage qui a eu premièrement un contact avec des mécaniques extraterrestres. Il en a parlé dans certains de ses écrits, mais pas dans les centuries. C'est-à-dire qu'on connaît surtout les prophéties de Michel de Nostradam, donc Nostradamus. Mais il y a d'autres écrits aussi qu'il a laissés. Et dans l'un de ceux-là, il révèle effectivement avoir eu des contacts avec des personnages qui, selon lui, venaient d'une autre planète. Et en réalité, ils venaient de la planète Terre. C'était des intraterrestres. Et ce n'étaient pas donc des extraterrestres. Alors, c'était un personnage qui a été aidé, qui a reçu un peu de cette science intraterrestre, qui, dans certains niveaux, est quelque peu avancé sur la nôtre. Et puis, par la suite, eh bien, il a prophétisé, c'est-à-dire qu'il a écrit des choses. Et il prétend, c'est un personnage intéressant, parce que c'est un des rares qui a dit que ses prophéties s'étendent jusqu'à l'an 3697. Donc, théoriquement, on n'est pas, il y a encore quelques centuries qui seraient décodées. Maintenant, la problématique des centuries de Michel de Nostradam, surtout lui en tant que prophète, c'est que la majorité de ces centuries sont décodables une fois l'événement passé et ne le sont à peu près pas avant. À cause du langage qu'il utilisait, qui était particulier ou... Bon, évidemment... Parce que quand on lit des bouquins qui sont l'original, en tout cas... Premièrement, c'est écrit en vieux français. Oui. Puis deuxièmement, c'est écrit en vieux français. Deux bonnes raisons pour rien comprendre. On ne comprend pas grand-chose. Et après ça, on peut expliquer ça, on peut ajuster aux événements qui sont prévus. Parce que dans son cas, ce sont surtout des post-fécies. Ce qui veut dire? Ben, c'est-à-dire qu'on peut connaître, on peut les lire après l'événement. C'est-à-dire que prophétie, c'est on peut les lire avant l'événement. Alors lui, on peut décoder ce qu'il a écrit une fois que l'événement est passé. Alors qu'on a des difficultés à comprendre ce qui nous attend. Et de ce fait, il y a plusieurs personnages qui ont écrit là-dessus, sur ce qui apparemment nous attend. Mais il faut comprendre que plusieurs personnes ont interprété les prophéties de Michel de Nostradam en fonction d'Edgar Cayce, en fonction de Jean 23, en fonction de Malachi, en fonction de Jean de Patmos, qui écrit l'Apocalypse. Alors, on a surtout pris des prophéties apocalyptiques dans la majorité des cas, d'ailleurs dans tous ces cas-là. Et on a par la suite essayé de faire un parallèle entre les centuries de Michel de Nostradam et ce qui avait été prévu par d'autres prophètes. Donc on essaye d'expliquer du Nostradamus en utilisant du Cayce ou d'autres. C'est ce qui fait qu'on va prétendre que Michel de Nostradam prévoit une apocalypse, qu'il prévoit des conflits militaires, qu'il prévoit des ceci, des cela, qu'il prévoit des cataclysmes à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, alors que Michel de Nostradam, lui, dit que ses prophéties vont jusqu'en l'an 3000. Et quand on s'approche de la fin de ces prophéties, eh bien, on est tout près de l'an 2000. Il y a 1900 okay. quelques années. Il prévoit la fin du monde avant la fin de son livre. Une chose certaine, c'est que lui, il a vu la fin du sien avant la fin du monde. Mais comment il a été influencé? Il a été influencé par des intraterrestres, mais est-ce que c'est quelqu'un qui s'exprimait en parlant, en écrivant, en rêvant? Comment il allait chercher cette information-là? Bon, il rêvait, oui, il avait il faisait un peu de voyance, donc il y avait des voyages astro dans des milieux particuliers du monde astral, donc du monde de la mort. Il a visité des mémoires de l'Atlantide, il a visité les mémoires du début de l'Égypte, il a visité un peu aussi l'enfer, c'est-à-dire l'endroit où vivent les intraterrestres, donc ce qui se passe au niveau du centre de la Terre. Il a donc visité la Gartha, il a visité Shambhala, Il a visité une partie du monde, ce qui lui a permis de connaître des choses qui étaient orchestrées, donc organisées par des mécaniques archangéliques, ce sont des grands mots. Mais il sait la mécanique qui permet normalement à des voyants d'avoir une idée de la probabilité mathématique de ce que sera un événement dans l'avenir. Parce qu'on doit comprendre que tout est mathématiquement manipulable. Alors de ce fait, on peut prévoir que, je vous donne un exemple très très simple, si un individu se saoule la gueule régulièrement, eh bien à tous les jeudis par exemple, c'est évident que mathématiquement, si on programme la vie de l'individu dans un ordinateur et qu'on programme la vie d'une autre personne qui, elle, finit de travailler à telle ou telle heure, et on programme tout ce qui se passe, et bien nécessairement, on aura à un moment donné suffisamment de données pour dire qu'il y a des probabilités pour que le 7 décembre 1991, que les deux individus se rencontrent et se heurtent l'un l'autre au coin de telle rue, de telle rue. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de vécu à travers ce qui manipule notre individu à boire. Cette journée-là, il va boire plus parce qu'il va avoir ceci, cela, cela. Bon, tout est relativement su et connu. Et on peut prévoir. C'est ce qui va faire en sorte que souvent les personnes qui font des voyages astro vont être capables de voir des choses pour par la suite revoir les choses. On parle donc de prévoyance, c'est-à-dire qu'ils ont prévu et ils vont faire c'est un phénomène de prémonition. Maintenant, c'est une projection à partir du connu. C'est-à-dire que c'est une projection à partir du connu qui peut être faussée et altérée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des prémonitions et ces prémonitions n'arrivent pas uniquement. Pourquoi? Parce que dans la prémonition, ce n'est pas prévu que l'individu aura la prémonition de ce qu'il devra vivre. Exemple, il y a deux farces là-dedans, parce qu'à un moment donné, tu rêves qu'aujourd'hui, tu vas te faire tuer. Alors, tu crées, je ne sors pas, je ne vais pas travailler. Puis l'avion tombe sur ta maison, paf, t'es mort. T'sais? Il a voulu que tu sortes. Mais la prémonition fait que tu es resté là pour que tu meurs. Alors que d'autres individus, eux, auront une prémonition, le temps d'une seconde et demie, où ils vont hésiter dans leur prémonition, après ça, ils vont continuer, c'est suffisant pour qu'ils aient peut-être évité un accident. Alors, ils auront l'impression que la prémonition ne fonctionne pas. Parce que l'ego humain préférerait avoir raison même dans le malheur. Bon, j'ai rêvé que je mourrais, mais je suis pas mort, c'est plate. Exact. Ouais. Bon, j'ai rêvé que tu arriverais à un accident, puis là, tu le dis à la personne, ça la mijote pendant un bout de temps, c'est suffisant pour tout contrecarrer. Alors l'accident n'arrive pas, puis tous les deux ne se parlent plus après, parce qu'il y en a un qui est un rêveur, un imbécile, puis l'autre, etc. D'ailleurs, je vais faire, je sais pas si ça va fonctionner, je vais te prévoir ton avenir, d'accord? Tu prends le papier ici, prends ça. Bon, tu le places devant toi, sur ton nez. Comme ça. Tu le frottes deux fois. Voilà. Et là, tu dis papier, papier, dis-moi mon avenir. Vas-y. Papier, papier, dis-moi mon avenir. Bon, je vais t'arriver à ton avenir. Ton avenir est celle d'une personne extrêmement influençable qui fera. Bon, non, ben c'est... Capable de se prêter à n'importe quel test. Dans la prémonition, dans la prévoyance, il y a beaucoup de psychologie. Michel de Nostradamus, en écrivant un paquet de centuries, c'était inévitable qu'une grande partie de celle-ci arriverait un jour ou l'autre. Écrivez n'importe quoi, écrivez-en beaucoup, vous aurez un pourcentage, même un très bon pourcentage, de choses qui seront totalement véridiques. On oublie les selles, on oublie les parties qui n'ont pas été... Les selles. Les selles, c'est ça. On oublie les... OK, j'arrête. C'est sur la gâche, c'est éclairci. C'est ça. Bon. On oublie ce qui n'est pas arrivé. On retient juste ce qui se passe. Oui, parce que premièrement, l'humain recherche beaucoup le spectacle, autant dans l'évolution, dans la spiritualité, dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans la théologie, que dans ce que l'humain appelle la vie convenable. L'humain recherche le spectacle, le spectaculaire, ce qui fait que nécessairement, il va rechercher ce genre de choses. Bon, qu'est-ce qu'il a prédit, Michel de Nostradamus? Il a prédit qu'à un moment donné, il y aurait une guerre sainte. Ça, c'est l'une de ses grandes prédictions, mais il ne fallait pas être un grand génie pour le prévoir. Qu'un jour, enfin, il fallait connaître un peu la mécanique astrale, qu'un jour, l'islam se lèverait, on entrerait en Troisième Guerre mondiale, ce serait une guerre religieuse, donc un djihad, une guerre sainte, que l'Union des républiques socialistes soviétiques serait leur allié, et que vers la fin, lorsque les États-Unis d'Amérique auraient de la difficulté à maintenir leur force sur la planète, l'islam essaierait de conquérir l'URSS, les Russes rebifferaient, briseraient leur alliance avec l'islam, s'associerait secrètement avec les États-Unis d'Amérique et finalement anéantirait une grande partie de cette Troisième Guerre mondiale. En 1990, ça se prédit assez bien, ça. Mais en l'an 1000 ou 1500, c'était pas si évident que ça l'est aujourd'hui. Nostradamus n'a quand même pas prévu que les États-Unis d'Amérique feraient une alliance avec l'Union des républiques socialistes soviétiques avant la Troisième Guerre mondiale. Il n'a même pas réussi à prévoir qu'il y aurait une solution complète, finalement, du communisme. Ce qui rend problématique l'alliance entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'islam. Et quand je parle de l'islam, je ne vise pas tous ceux qui sont musulmans. Mais effectivement, c'est l'islam qui présentement d'ailleurs est en train de monter par l'envahissement du Koweït, entre autres. On l'a vu dans quelques conférences au niveau de Bagdad. Lui, il prévoit certaines choses, Nostradamus. Il prévoit, par exemple, qu'il y aura un ou deux ou trois antéchrists. Bon. Et il prévoit... Mais il en prévoyait trois. Donc, il y aurait eu... Il en prévoit plus trois? Non, ben, je ne sais pas, là, je n'y ai pas parlé aujourd'hui. Il y avait Napoléon. Il y avait Hitler. Bon, Napoléon, lui, c'était un bonhomme qui... Tout ce qu'il attendait, c'est que la Bonaparte... Lui, il n'était pas... Ce n'était pas un antéchrist. Michel de Nostradamus s'est trompé, là. Napoléon n'est pas un antéchrist. Napoléon est une vision antéchristique extrêmement orgueilleuse de l'Europe. C'est-à-dire qu'un personnage qui va bouger l'Europe au complet, c'est l'antéchrist. Le reste de la planète, on l'oublie. L'Europe, c'est la planète. Alors, Napoléon n'est pas un antéchrist. Est-ce que Adolf Hitler en était un? Bon, Adolf Hitler était... Adolf Hitler n'est pas prévu avant Adolf Hitler, mais il est prévu après Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée d'Adolf Hitler, quand on lit les Centuries de Michel de Nostradamus, on ne prévoit pas Adolf Hitler. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand on les lit, c'était évident. Il le prévoyait. Bon, donc, c'est une post-fécie encore une fois. Adolf Hitler est effectivement un antéchrist dans le sens où Michel de Nostradamus le voyait. Est-ce que Saddam Hussein en est un? Voilà. Il y a beaucoup de personnes. Selon Michel de Nostradamus, on prétend encore, on peut décoder si on veut, on peut tirer les bons verres du nez de Michel de Nostradamus, qui est enterré d'ailleurs depuis quelques années. Et puis, on pourrait comprendre que Saddam Hussein est un antéchrist. Alors que Saddam Hussein n'est pas non plus un antéchrist. C'est un quoi? Un Christ, mais enfin. Mais ce n'est pas un antéchrist. Saddam Hussein, c'est... Il peut avoir une influence semblable à celle d'Hitler. Saddam Hussein est beaucoup plus près de la bête que de l'antéchrist. On revient encore sur antéchristique. Antéchrist, anté veut dire avant. Hein? Une antichambre antérieure, c'est avant. Bon. Alors, anté ou antichrist veut dire avant, c'est quelque chose qui vient avant, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est contre. Mais dépendamment si on est latin ou si on est grec, c'est avant ou c'est contre. Bon. Alors, on peut être contre l'idée que c'est avant. Hein? Alors, si c'est un anté, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jean de Patmos parle de l'antéchrist, il parle de quelqu'un, de quelque chose qui vient avant le retour christique et qui sera contre l'image de marque du Christ. L'ancienne. Pas l'ancienne. Celle actuelle. L'actuelle. Okay. Mais il ne prépare pas, il ne vient pas défaire l'image de ce qui s'en vient, il défait l'image de ce qui est là, de ce qui existe, comme image du Christ. Oui, parce qu'on ne peut pas défaire l'image de ce qui s'en vient. On ne sait pas, on peut préparer, on peut la ternir avant qu'elle arrive. C'est-à-dire la teinter ou préparer les gens à une certaine image. Ouais, mais on ne peut pas la détruire avant. Fait quand il parle d'antéchrist, il ne parle pas d'anti, c'est pas anti, mais hanté. C'est hanté. Comme antérieur. Oui. Maintenant, ceci, de toute façon, lui-même, quand il parle d'antéchrist, il parle aussi de quelque chose de mauvais, de dangereux. Bon, un antéchrist, c'est quelqu'un qui aura comme première fonction d'éliminer le pape. Bon. Alors, dans ses centuries, il prévoit la tentative d'assassinat du pape et il prévoit même la filière bulgare. Qui? Bon, Michel de Nostradamus. Alors, il prévoit, il sait, il annonce là-dedans que ça sera rattaché à la Bulgarie à travers, bon, peut-être les tentacules de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais c'est assez clair, une fois que ça s'est passé, que c'est celle-là, elle s'adresse là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une centurie, hein, c'est 100 petits comptes, il y a plusieurs centuries. Alors, on comprend celle-ci, on comprend pas elle, on comprend pas elle, on comprend plus rien. Puis à un moment donné, il arrive un événement, paf, on comprend celle-là. Mais maintenant, les autres, ils se placent où dans l'histoire? Et là, on commence à faire des recherches. Elle voudrait peut-être dire telle chose. Et celle-ci, telle autre chose. Mais là, il y a un autre écrivain qui arrive là-dedans, puis lui, il connaît pas l'histoire qui est là-bas, il connaît l'histoire qui est là-bas. Fait qu'il dit celle-là, c'est ça qu'elle veut dire. Quand tu achètes deux livres, tu te rends compte que cette prophétie-là, elle est impeccable pour décrire les deux événements. Bon, mais remarquez que sur 5 milliards d'humains, à travers les années, les événements, il y en a suffisamment pour ajuster les prophéties de Nostradamus. Bon. Maintenant, Saddam Hussein n'est pas, il est beaucoup plus près de la bête, ce n'est pas la bête encore, c'est une mécanique qui est plutôt satanéenne. Il est, dans l'image de Nostradamus, il pourrait être reconnu comme étant un antéchrist, mais l'antéchrist majeur, présentement, actuellement, à l'échelle planétaire, c'est un personnage qui est apparu il y a quelques années. C'est un personnage qui aura une puissance beaucoup plus grande que Saddam Hussein ou qu'Adolf Hitler. C'est un personnage qui sera beaucoup plus dangereux, mais qui finalement accomplira une tâche que personne d'autre que lui ne pourrait accomplir, celle de la destruction de la forme, c'est-à-dire celle de la destruction de l'idolâtrie psychologique qui investit et qui assujettit totalement l'humain à des divinités créées souvent par l'homme à la ressemblance et à l'image de l'homme, et qui associent l'humain à des images collectives qui sont suffisamment idolâtriques. Alors, quand on parle de l'Antiquité... Ce ne serait pas Brian Mulroney? Non, non. Je parle à quelqu'un de sérieux. Non. Ça serait le grand monarque. Il dirige l'État. Là, il est en train de détruire les images. Il détruit une par une les images de respect. Mais ça serait le grand monarque qui serait l'Antéchrist? Non, c'est Maitreya. Et ceux qui ne connaissent pas Maitreya, eh bien, c'est. Vous avez peut-être que vous vous rappelez encore qu'à un moment donné, dans la presse, dans le Journal de Montréal ou dans je ne sais plus quel journal qu'il y avait à l'époque, à un moment donné, comme dans la presse, il y avait une immense page, une page complète, quoi. Immense page, c'était pas plus gros que les autres, bon. Ah. Et sur cette page complète, eh bien, c'était écrit que, justement, on attendait la venue, le retour du Christ, qui serait Maitreya, qui serait la réincarnation de Bouddha, la réincarnation de Mahomet, la réincarnation de Jésus, la réincarnation de tout cela. C'était Maitreya. Maitreya est un personnage, c'est un mot arien. Bon, Adolf Hitler le connaissait déjà. D'ailleurs, Adolf Hitler voulait amener le peuple arien à la surface du plan planétaire. Donc, les grands blonds aux yeux bleus. Et on sait dans la tradition ésotérique que la race aryenne symbolise la race mère blanche, qui est la cinquième sous-race, la cinquième race mère plutôt, d'un contexte évolutif complet. Nous faisons partie de la cinquième race mère et nous faisons partie aussi de la cinquième sous-race, la race teutonique anglo-saxonne, qui lègue la majorité de ce qui est ici dans la salle. Maintenant, lui, il parlait donc de Maitreya dans le contexte aryen. Pour plusieurs personnes, et surtout au Québec ici, on a parlé dernièrement du retour des Atlantes. Les Atlantes vont, à travers un peuple, il y aura un peuple qui sera les Sémites, les Atlantes vont être ceux qui vont engendrer la race aryenne, qui est la première sous-race de la race mère blanche. Quand je parle de blanc, je ne parle pas de cutané, je parle de neuronique, ce qui fait que les couleurs de peau n'ont rien à voir là-dedans. Et Maitreya est donc un personnage de l'Atlantide qui revient dans le but de... il revient. En revenant, il va attirer en mécanique réincarnationnelle. On l'a vu un peu dans les dernières conférences, comment ça se faisait une réincarnation. Et lui, il va attirer les mémoires émotives et spirituelles, et non pas les mémoires véridiques. Les mémoires émotives, quand je parle de mémoires véridiques, je veux dire les mémoires événementielles, les mémoires de l'événement. Un exemple, vous avez un chat qui vous attaque. La mémoire de l'événement, c'est la mémoire du chat qui attaque. La mémoire émotive, c'est la mémoire de la peur du chat quand il nous a attaqué. Alors, Maitreya est un personnage atlantéen qui va réincarner les mémoires spirituelles et émotives de tous ceux qui ont pensé à Jésus, les mémoires spirituelles et émotives de tous ceux qui ont pensé à Mahomet et à la majorité des grands personnages du passé, que ce soit Siddhartha Gautama, qu'on connaît sous le nom de Bouddha. Il y aura aussi la grande âme Gandhi. Il y aura plusieurs autres phénomènes du genre. Et lui, réincarnant cela, il aura la capacité, après la guerre et vers la fin, de parler au peuple musulman. Et les musulmans reconnaîtront Mahomet, de parler au peuple chrétien, catholique et toutes les sectes, eux reconnaîtront Jésus, et aux autres peuples comme cela. Ce qui fait qu'il aura la capacité d'unir la majorité des êtres humains. Michel de Notre-Dame n'en parle pas du tout. Il aura la capacité, il est présentement sur la planète Terre, il est connu depuis quelques années, surtout depuis qu'on en a fait une grande publicité. D'ailleurs, il s'est ruiné parce que ça a pris quelques années après ça avant qu'il fasse ses poches. On n'a plus entendu parler. Alors, ils ont vendu quelques petits livres sur ses contacts. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce personnage-là va avoir la capacité d'être la réplique exacte de ce que tous les humains en majorité, ceux qui sont associés aux grandes théologies organisées, aux grandes religions organisées, Maitreya, ce réel antéchrist, le vrai, qui n'est pas prévu par Michel de Notre-Dame, mais il y a des raisons là-dessus, on pourra en revenir, celui-là aura la capacité d'unir tous les humains après une guerre, qui l'aura lui-même engendré et qui l'aura lui-même supporté. C'est la simple raison que si je veux me faire reconnaître comme étant un pacificateur, il faut pas qu'il y ait la paix. Et ça va bien mal. Alors, si on fout le bordel un peu et après ça, on vient placer tout le monde, nécessairement, on me place immédiatement sur un piédestal très haut. Et par la suite, il aura comme mission de subjuguer l'humanité, c'est-à-dire de diriger l'humanité un peu comme, c'est un parallèle que je fais, un peu comme l'ont fait certains prêtres juifs associés des Allemands. Lorsqu'il disait aux Juifs, vous n'avez qu'à embarquer dans ces trains, ils vont vous amener vers des champs, des paradis où vous pourrez vivre et cultiver. Et à un moment donné, il y aura donc une obligation de la majorité des humains du plan du contexte planétaire de s'associer entre eux et de se diriger dans une vision planétaire, dans un monde planétaire qui n'est pas celui de l'intelligence, mais qui est celui de l'obscurantisme, qui est celui de l'assujettissement, qui est celui de la conscience collective, mais pire qu'on ne l'a jamais connu. Donc, il va être comme une espèce de caméléon spirituel. On va l'entendre comme on veut l'entendre, puis on va le voir comme on veut le voir, oui, selon la religion à laquelle on est attaché. Et ça, c'est l'antéchrist. Pourquoi? Parce que les êtres humains qui ne seront pas capables de suivre ceux qui se conscientisent actuellement, ceux qui sont de plus en plus centrés dans leur intelligence, ceux qui développent de plus en plus une conscience individuelle, c'est-à-dire ceux qui sont capables de dire que tel événement, ça a de l'allure, tel événement, ça n'a pas d'allure. Puis si tout le monde dit, voyons donc, ça a de l'allure, bien lui, il continue à dire, écoute, ça n'a pas d'allure, je ne le vois pas comme ayant de l'allure. Lui, il a une conscience individuelle. C'est préférable de se tromper, de faire des erreurs, tout en maintenant, pas orgueilleusement, mais tout en maintenant son point de vue quand c'est le point de vue que l'on voit. On ne devrait jamais adopter le point de vue collectif alors qu'on est aveugle. Par exemple, je devrais voter pour telle personne aux élections à Montréal parce que c'est le meilleur. Je n'ai pas d'informations, je n'ai rien, alors je ne peux pas me fier. Alors je ne vote pas, je cancelle mon vote, ou je m'informe, je fais quelque chose. Bon, mais dans l'évolution, dans la spiritualité, c'est la même chose. On ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne voit pas. Le meilleur exemple, c'est, si moi je vous promets ce soir, si vous me suivez, je vais vous conduire à la paix. Savez-vous ce que c'est que la paix? La majorité, non. Alors vous ne pouvez pas savoir que je vais vous conduire là. Hein? Bon, je vais vous mener au paradis. À quoi ça ressemble le paradis? Vous ne le savez pas. Comment pouvez-vous savoir que je vais vous amener là? Partout où je vais vous amener, quand je vais dire c'est le paradis, vous allez le croire. Alors, on doit avoir une conscience individuelle qui fait en sorte, écoute, je ne vois pas, je ne vois pas. Bon, alors je m'arrange pour voir. Et la majorité des êtres humains sont encore très collectivisés, surtout ceux qui sont assujettis à des égrégores nationaux ou théologiques particuliers, comme par exemple, on en a rencontré lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme on en rencontre présentement aussi un peu au Moyen-Orient. Et comme on la rencontre partout sur la planète, finalement. Maitreya, donc, ce qui n'est pas prévu par Michel de Nostradam, est un personnage qui aura la capacité de ramasser tous les individus qui seront prêts à un collectivisme planétaire. Et le collectivisme planétaire, il est préparé depuis longtemps. Il est préparé depuis tellement longtemps que l'humain va finir, enfin, risque fortement de tomber dans le trou sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il tombera sur les corps des autres, il trouvera ça confortable. Bon, il ne s'en rendra pas trop compte qu'il tombe. Quand on dit à toute l'humanité, à telle heure, telle date, on planétairement, à l'heure Greenwich, hein, l'heure planétaire, et puis on s'arrange, puis on passe une demi-heure à se concentrer, à méditer pour la paix sur la planète. Étant donné que la majorité des individus ne savent pas ce qu'ils font, ils le font dans un principe de croyance, et non pas dans un principe de connaissance, de conscience. Ils le font dans un principe de croyance. Alors, ils sont déjà en train de se préparer à s'associer, à s'allier ensemble pour finalement être une espèce de grande filée d'individus qui un jour suivront un maître, Maitreya, qui les dirigera là où Michel de Nostradamus n'a rien prévu non plus. Michel de Nostradamus a prévu qu'il y aurait le démantèlement de l'Église. Ben ça, c'était facilement prévisible, remarque. Puis, il mentionne aussi par qui? Oui, est-ce que par quelle région du globe ça devrait se faire? Par l'islam, ça serait démantelé? Mais l'islam a été créé par Mahomet, qui Mahomet, lui, a eu un contact avec Dieu, et c'est le même Dieu qui a parlé à Jésus, dans l'histoire. Et Mahomet va engendrer une religion qui est l'islam, qui est une religion qui servira toujours de chien fou contre l'Église catholique, contre la chrétienté. De ce fait, il y aura les croisades qui seront engendrées à un moment donné pour délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte. Il y a les infidèles qui étaient là, l'islam, et il y aura eu des guerres pendant longtemps entre les deux, et puis là, c'est le retour de l'autre. Le retour, non pas du Jedi, mais l'islam. C'est la revanche. Ben, la revanche, ouais. Mais il mentionne là-dedans qu'il y aurait un pape qui serait polonais, d'origine polonaise. Oui, effectivement. Ça aussi, c'était facile à prévoir, hein? Ben oui, c'était facile à prévoir. Il faudrait que je te fasse prévoir le prochain numéro de 649. Mais je peux facile le prévoir facilement. Je ne dirai pas la date, c'est tout. Oh, mais c'est facile. Mais comment il pouvait savoir il y a 500 ans qu'un pape, là, serait polonais? Mais non, pas il y a 500 ans. Lui, peut-être qu'il passait ça dans deux semaines. Bon, il a écrit qu'un jour un pape serait polonais, etc. Il a écrit ça. Puis tout le reste, vous démerderez plus placé dans l'histoire. Bon. C'est quand? C'est-tu dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200, 300, dans 4 ans? Bon. À un moment donné, ben ça y est, c'est ça. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas fouiller aussi dans des futurs possibles et puis aller voir qu'est-ce qui était là? Ce qu'on a compris, c'est que Jean-Paul II a été placé à la tête de l'Église catholique romaine. Et Jean-Paul Ier a été assassiné, ça on le sait maintenant suffisamment, il a été empoisonné à l'arsenic, bon, et il a vécu une trentaine de journées. D'ailleurs, c'était prévu aussi que ce pape vivrait autant de jours que ce qui le tuerait sur le tableau périodique. Alors, quand on sait la quantité de jours qu'il a vécu une fois pape, puis qu'on regarde ce tableau périodique, on découvre que c'est un poison très violent qui est là. Bon. Et mais ça, c'était prévu. Ça, c'était prévu, mais pas par Michel de Notre-Dame. Par qui? Il avait glissé un mot, mais pas dans les centuries. Et puis, par la suite, par contre, c'est prévu que le pape qui va suivre est un pape, c'est Malachi surtout, là, qui a fait les prophéties des papes. Et lui va prévoir que le pape qui va suivre sera un pape qui portera le même nom que son prédécesseur, et c'était Jean-Paul II, et qui lui sera étranger à l'Italie. Mais ça, c'est Malachi. Mais Malachi, lui, les a eu comment, ces informations? Ah! Lui, il les a eu... Est-ce qu'il a acheté un livre de Michel de Notre-Dame? il l'a traduit? T'as pas écrit encore? Non. Bon, pour comprendre, il faudrait qu'on déforme un peu les prophéties. Déformons-les. Première chose qu'on doit comprendre, c'est que si... Et ça, vous allez voir, c'est une chose qui est une farce qui attrape à travers le mensonge cosmique qui anime l'humain. Quand je dis en séminaire souvent, et je le prouve, que l'être humain n'a absolument aucun libre arbitre. Il est 100% et totalement manipulé. Bon, alors les personnes, bon, ça chiale un peu. Puis là, je leur explique que c'est parce qu'ils sont manipulés qu'ils chialent. Fait que là, ils chialent plus. Là, je leur explique que c'est parce que je leur ai expliqué qu'ils étaient manipulés qu'ils chialaient. Fait que pour me prouver qu'ils ne sont pas manipulés, ils chialent plus. Bref, ils réagissent à ce que j'ai dit, ce qui fait que je chiale encore. Il y a même des personnes, je leur dis, à un moment donné, je prends le plus orgueilleux du groupe. Puis là, je dis, écoute, lève-toi debout. Moi, je veux qu'il reste assis. Là. Debout! Oh. Il n'est pas manipulé, lui. C'est ça que je voulais qu'il reste assis. Là, je lui dis, là, tu vas rester assis, tu bougeras plus. Ah ben, lui, il se lève. Puis là, dans sa conscience, alors, il n'est pas manipulé du tout. On fait ce qu'on veut avec. Tout ce qu'il y a, il faut connaître les clés. C'est tout ce qu'il faut faire. Bon, alors si tu lui dis 5$, tu te lèves, il se lève. Si c'est pas 5$, tu lui dis reste assis, il se lève. Bon, on peut connaître. Ce qu'on a à comprendre, c'est que quand je parle de cela, les individus, habituellement, en majorité, sont totalement. Ils ne veulent rien savoir de ce que je dis quand je dis que l'humain est totalement manipulé. L'humain a un libre arbitre. L'humain a tellement un libre arbitre qu'il est pas nié à aller se faire tirer aux cartes pour connaître sa destinée. Mais s'il y a un libre arbitre, les cartes ne pourront jamais rien y dire. C'est lui qui décide. Mais s'il va se faire tirer aux cartes, c'est parce qu'il y a une destinée, donc il décide de rien. Et l'humain qui a un libre arbitre, il s'en va même manipuler à aller voir une cartomancienne, un astrologue. Il va se faire une carte du ciel pour connaître son avenir. Mais s'il connaît son avenir, c'est qu'il décide de rien là-dedans. Foutaise, il est totalement fait. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. Ah oui, mais torieux. Alors, ça nous sert à quoi d'aller voir les astres qui inclinent et qui n'obligent pas? Bon. Surtout qu'on te prévoit une maladie intestinale pendant 150 ans. Bon, ça c'est à mon échelle, disons, dans 5 ans, 25 ans. Et puis, vous pouvez tout faire pour l'éviter, puis vous l'avez quand même. Bon. Si on parle de prophétie et qu'on est quand même plusieurs personnes réunies ici pour entendre parler de prophétie, sans compter ceux qui ne sont pas ici et qui vont écouter, j'aime ça dire ça parce que les gens, ils pensent tout de suite à des affaires. Non, c'est ceux qui achètent les cassettes. Bon. Ils ne sont pas ici et ils vont écouter. Ouais, bon. Alors, ce qui arrive, c'est que les personnes, on est ici de parler de prophétie. Si on parle de prophétie, c'est qu'on admet tous qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais les individus dans le séminaire sont capables d'admettre qu'il y a une destinée, puis ils sont pas capables d'admettre qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Parce que, coup de bain! Ah, il est beau écouter, mais quand ils ont fini... Mais si les prophéties sont vraies... Si les prophéties sont vraies, ça veut dire qu'il y a un plan, qu'il y a une trame cosmique qui est établie, qui est orchestrée, organisée, qui est gérée. Par qui? On verra. Ou par quoi? Et dans quel but? Puis là-dessus, nous, on est quoi? Hein, on est quoi, les petites bébites là-dedans? Bon. Et tout ça, c'est ça. Mais celui qui détermine le plan, c'est-à-dire, on verra ça une autre fois, mais on pourrait le voir tout de suite, c'est par qui? C'est décidé et orchestré? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les événements qui ont été écrits par Nostradamus, on dit, on peut dire, on peut en lire, et puis on peut dire, bon, c'est vrai que ça se passe, que ça se produit. Mais est-ce que aussi, ça pourrait pas être des forces ou des gens ou des organisations qui font en sorte que les événements se produisent? Mais oui, c'est dans le quotidien? Pour confirmer ce qui a été prévu. Mais c'est ce qui arrive. J'expliquais la semaine dernière qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes qui vont prophétiser dans le but de convaincre la conscience collective d'aller vers l'événement. Ce sont les prophètes qui ont souvent raison. Et il y a des prophètes qui vont prophétiser dans le but de faire peur à la conscience collective de façon à ce qu'elle n'y ait pas. pour qu'elle ne puisse pas se diriger vers ça. Et ce sont les prophètes qu'on va dire, « Yark, lui, il est pas bon, et tout ce qu'il prophétise, ça fonctionne pas. » Alors qu'il a peut-être sauvé l'humanité d'un paquet de mots. Bon, tandis que celui qui réussit à nous amener vers là où il veut, je prophétise un accident. Puis là, je vous manipule suffisamment, puis vous en faites un accident. Et là, je suis bon. Alors que je prophétise un accident. Vous avez assez peur, faites bien attention, il n'y en a pas. Et prophétise. Deux sortes de prophètes. Mais est-ce que Michel de Notre-Dame écrivait des prophéties parce qu'elles lui étaient dictées par des extraterrestres ou oui, parce voilà, qu'il lisait voilà. dans les annales akashiques? Non, Michel de Notre-Dame, comme la majorité des prophètes, sont des individus qui ont rencontré des messagers de Dieu. Ces messagers des dieux, il y en a un, entre autres, qui est très connu, il s'appelle Gabriel. Bon, l'ange Gabriel. Bon, alors lui, il se pointe et il parle aux individus, soit pendant leur rêve, ou en état d'hypnose, on voit ça comme on veut, là, bon, mais pendant leur rêve, et soit ouvertement lorsqu'il les rencontre. Il y a aussi eu des interventions melchisédiennes. Il y a Melchisédek, entre autres, qui a formé Moïse, qui en a fait un alchimiste implacable. Et les Melchisédek sont revenus de temps en temps pour faire d'autres travaux. Melchisédek sont des catalyseurs de l'évolution. On pourra en reparler à un moment donné, là, mais c'est un peu complexe. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que ces personnages, donc les messagers des dieux, viennent voir l'homme, habituellement l'homme, mais il va venir un temps où l'homme est tellement occupé que les messagers vont venir voir la femme. Et les femmes vont devenir des vestales, des prêtresses qu'on va placer dans des endroits particuliers et on va s'arranger pour les garder le plus vierges possible, c'est-à-dire le plus près de la nature possible. Hein, ce sera des vierges. Et eux auront la capacité de passer le message de Dieu. En les gardant le plus vierges possible, donc le plus près possible de la nature, donc de la pureté de la naissance, on les garde près de l'énergie tellurique. Et les gardant près de l'énergie tellurique, on les garde près aussi de forces qui vont venir plus facilement communiquer avec eux. Ce sera des forces qui seront soit luténiques, ce sera des lutins, ce sera des entités de la nature, et qui aussi, à un moment donné, seront facilement manipulables par des mécaniques intraterrestres. Alors, la majorité, donc, de ces prophètes, même Mahomet, rencontrait dans le désert des personnages qui venaient lui expliquer ce qu'il en était, ce qu'il fallait qu'il fasse, ce qu'il fallait qu'il dise, ce qu'il fallait qu'il écrive. On a dernièrement Claude Vorillon. Bon, celui qui n'est pas tout à fait dans la bonne réalité, lui, il a aussi eu un contact. C'est toujours dans le désert. Il faut croire que la chaleur, ça a certains effets. Mais il rencontre, et là, on va lui faire écrire des choses en relation avec le livre des livres, la Bible. Et puis, il aura par la suite aussi des missions à faire. Bon, il pourra aussi prophétiser des choses. Finalement, 100% des prophètes ont eu des contacts. Et c'est un maudit problème, parce que comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui a eu un contact alors qu'on ne sait pas qui est le contact? On oublie le contact, on pense seulement à l'individu. Oui, parce que c'est le spectaculaire. Comment t'as eu un contact avec un extraterrestre, avec Christy? Puis là, ah oui, il va arriver ça. Ben, on se lance tout de suite. Oui, bien l'extraterrestre, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, c'est un extraterrestre, lui. Moment, ils sont extraterrestres, tu connais, oui. Mais automatiquement, c'est génial. Pourquoi? Parce que si ça peut venir d'une autre planète vers ici, c'est nécessairement plus évolué. Vous êtes sur la Lune? On est tous sur la Lune? Pas dans, sur la Lune? On est des luniens. Et puis un jour arrive un LEM, hein? Un module lunaire avec un drapeau américain là-dessus qui vient atterrir. Il y a un bonhomme bien habillé, bien épais qui sort de là, puis qui se met à sauter comme un enfant. On ne sait pas, on connaît pas ses enfants, nous autres, on est habitués à la Lune à sauter. Et là, on se dit, quelle évolution doivent avoir ces êtres? Ils se droguent sur leur planète, ils s'entretuent, ils se violent. Et c'est la corruption totale, il n'y a rien qui fonctionne, ça vit pour l'argent, ça meurt sans se rendre compte de ce que ça l'a fait. Et nous, les Luniens, on serait prêts à les suivre n'importe où. Faire attention, parce que l'évolution technologique n'est pas un gage de l'évolution de conscience. Bon, il y a des enfants qui sont pas mal plus évolués que les savants. Les savants comme d'allure aussi. Mais ces gens-là ont fonctionné avec, à partir de ce contact-là pour établir quels seraient les faits qui allaient se passer sur la planète, mais... Est-ce que ce sont les extraterrestres ou les intraterrestres qui ont contacté ces individus-là, qui manipulent les événements? Bon, Michel, ou si les événements arrivent, de toute façon? Non, les événements arrivent, c'est l'effet papillon. C'est quoi l'effet papillon? C'est les météorologues pour expliquer toute leur gaffe, là, parce qu'ils ont prévu du soleil en fin de semaine, là, puis c'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un papillon décolle au mauvais moment à Shanghai pour qu'il y ait un ouragan dans 3 semaines après, en plein milieu du Sahara. Puis c'était pas prévisible parce qu'on n'a pas prévu que le papillon décollerait. Il va créer une petite perturbation atmosphérique, puis ça va s'étendre. Puis bon, c'est l'effet papillon. C'est comme ça maintenant qu'on appelle ça. Alors, donc, cela veut dire qu'à l'instant où il y a une probabilité d'intervention d'intelligence dans un contexte mémoriel, exactement comme vous êtes un ordinateur ou la planète Terre, on a un ordinateur devant nous, et tout est prévu à l'intérieur de l'ordinateur, toute la mécanique, les routines qu'il va faire, les loops qu'il va suivre, etc. Tout ça est prévu, ça fonctionne tout seul. Mais si un intervenant touche au clavier, ben, il commence à mettre des effets papillons. C'est l'intervention d'une intelligence dans une mécanique mémorielle programmée, prévue. Et l'intelligence, c'est de plus en plus en contact avec l'humain, c'est-à-dire que l'être humain est de plus en plus intelligent. Et je parle du contexte nord-planétaire surtout, et on rapatrie ça pas mal vers les États-Unis d'Amérique, vers le Canada, vers le Québec. Bon, entre autres, au niveau planétaire, c'est plus au Québec que c'est en croissance. C'est ce bouclier canadien en général. Puis les États-Unis sont surtout les gardiens de ce qui vient. Même s'ils ont reçu l'intelligence, on dit que certains personnages ont eu des contacts avec l'intelligence pour mettre au point la bombe nucléaire, entre autres. Alors, ce qui arrive, c'est que plus l'être humain a une conscience intelligente, plus il se désassujettit des mouvements collectifs, donc plus il se stabilise dans sa propre conscience, dans son individualité. Ça veut dire qu'il devient discernatif. Il ne suit plus quelqu'un ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas faire partie d'une secte. Il peut être dans une secte parce que tout ce qui est là est comme ce qu'il a besoin, lui. Puis quand c'est fini, il s'en va. Il n'a jamais, jamais, jamais, finalement, appartenu, adhéré et collé à la secte. Bon, il peut lire des livres, il peut prendre un auteur, Jiddu Krishnamurti. Bon, il lit tous les livres de Krishnamurti, il relit, il relit, il relit. Puis à un moment donné, il en aura le bol. Puis il dit pas que Krishnamurti, c'est pourri. Il dit c'est génial pour ceux qui en ont besoin. Lui, il continue, c'est fini là. Il se sert de la forme sans servir la forme. Exact. Puis la forme, c'est utilisable. Maintenant, il ne devient pas l'esclave de la forme. Alors, l'intelligence, c'est de plus en plus présent chez certains individus. Et l'intelligence, c'est une chose qui n'est pas prévue par Michel de Notre-Dame. Je suis d'accord avec ce que tu penses présentement. Lui, il a dit à un moment donné, la seule façon d'éviter une troisième guerre mondiale, c'est si l'homme devient intelligent. Ouais. C'était prévu? Non. Lui, ce qu'il savait, c'est que c'est une des façons de s'en sortir. Mais il ne l'a pas prophétisé. Il n'a pas prophétisé que l'humain s'en sortirait. C'était une remarque qu'il faisait. Il parle de la paix après, en 1999. Bon, il parle de la fin de la Troisième Guerre mondiale, mais il ne parle pas de... Ce n'est pas la même chose. Plus on va vers l'intelligence, est-ce que plus on va vers l'intelligence, plus on se détache de toutes les formes de prophétie? Oui, c'est pourquoi aussi souvent... bien celle-là que celle de Jean de Patmos que n'importe qui? Ah, tous les autres. C'est pourquoi souvent je parle de l'apocalypse des autres. Il y en a qui vivent déjà l'apocalypse, là, ils sont dedans. Bon, puis il y en a d'autres qui l'espèrent. Non, le premier ministre, ce matin, il dit qu'on n'avait pas de récession au Canada. Oh, ben. Vous lui-même pas manipulé tellement. Lui, c'est vrai qu'il dit la récession des autres. Il n'y en a pas ici. Mais c'est parce que les politiciens ont certaines devises. Vous pouvez appeler votre gérant de banque et dire que tout va rentrer dans l'ordre. Les politiciens ont certaines devises. La première, c'est que le travail est sacré. Nous ne touchons pas. Hein? C'est sa première devise des politiciens. Ça, c'est très important. Alors, ce qui fait que... Puis l'autre devise, on l'a vu dans le cas des Mohawks, dans le cas de la récession encore, c'est pourquoi ne pas remettre à demain ce qu'on peut remettre à demain? C'est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain? Alors, on ne fait pas aujourd'hui, on le reporte. Puis Saddam Hussein, lui, c'est qu'il est associé, lui, à la politique aussi, donc il a les mêmes devises. Puis il y en a une troisième, qui est celle typique de certains militaires, c'est qu'un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Alors, il est totalement entouré, puis il ne peut pas aller nulle part. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a effectivement des mouvements planétaires, des plans. J'expliquais dès à un moment donné que Allah demande à ses fidèles, grosso modo, grossièrement, si vous voulez me rejoindre, vous devez mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. De ce fait, ça oblige une grande partie de la population planétaire à entrer en guerre contre les infidèles et, si possible, à mourir sur un champ de bataille. Nous sommes descendants de la race teutonique anglo-saxonne. Les Teutons avaient la même chose. Pour rejoindre Odin à son banquet, c'était le guerrier qui mourait violemment. On doit comprendre que, dans le passé, l'être humain qui évolue, s'il meurt violemment, une grande partie de son sang coule sur le plan planétaire, et pour des mécaniques sur lesquelles j'ai passé, il y a une grande partie de l'expression de l'âme qui se fait dans le sang. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne veulent pas faire de transfusion. Et une grande partie de l'âme qui est extrêmement terrestrifiée, on dit « grounded » quand on parle en québécois, donc est extrêmement terrestrifiée, reste attachée au corps physique et à la matière, et l'âme de l'individu est purgée, c'est-à-dire qu'une grande partie du purgatoire qui est immédiatement éliminée, elle reste sur le plan planétaire, les parties basses. C'est pourquoi le Nazaréen doit mourir violemment sur une croix, pour que le peu d'ego qui reste, reste attaché à la matière, pour que l'énergie christique, le Christ, puisse s'en aller. Au niveau d'Odin, c'est la même chose. Au niveau d'Allah, c'est la même chose. C'était la même chose longtemps au niveau du catholicisme, au niveau de la chrétienté, où on vénérait les martyrs, ceux qui mouraient violemment. Pas celui qui meurt de sa belle mort, on dit belle mort, mais bon, c'est un gars que tu connais, belle mort, en tout cas. Mais voilà, on parlait surtout de mort violente. Mais est-ce que ça serait bon, cosmiquement, qu'il y ait une guerre pour que filtrer ou... ça détache l'homme de l'antihomme. Oui, dans certains cas. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie de la population actuellement qui ne peut pas bénéficier d'une mort violente. La majorité des individus qui vivent à l'échelle nord planétaire ne peuvent pas bénéficier d'une mort violente. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on est mal pris parce qu'on a une religion qui dit quand on te donne un coup sur la joue, t'es à l'autre côté. Puis l'autre bord, l'autre religion a dit quand tu donnes un coup de poing, puis en veulent encore, donne-le-en. Mm. Bon. Alors, nécessairement, ça crée un contexte intéressant. Surtout s'ils en veulent plus, tu peux frapper pareil. Oui, puis si tu meurs sur un champ de bataille, t'es sauvé. Alors, on doit bien comprendre le principe. Quand je parle de manipulation de masse planétaire, c'est cela. Tout est parfaitement orchestré. Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler décide d'envahir un pays, personne ne dit rien, on ne le voit même pas. Il en envahit un deuxième, on éternue à peine, un troisième, ça peine son bouge. Bon, à un moment donné, les maudits Anglais, une chance qu'on les a, les Anglais. Bon, parce qu'on a la France, ils ont même mis la tête du général de Gaulle à prix à un moment donné parce qu'ils se battaient contre les Allemands. Fait que c'est bon. Mais l'Angleterre, entre autres, et les États-Unis d'Amérique qui vont avoir un rôle massif à jouer. Comme présentement, c'est encore l'Angleterre qui avertit l'Irak qu'ils se serviraient de bombes thermonucléaires si eux se serviraient de bombes chimiques. Ils ont pas peur d'employer les mots. Non, les Anglais. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a effectivement des manipulations globales. Premièrement, et voilà un tableau brossé rapidement. Juste avant de brosser le tableau, il y a une autre chose sur laquelle on pourra revenir si on n'a pas le temps, c'est que Michel de Notre-Dame n'a pas prévu non plus toutes les solutions qui vont venir. Et ça, j'aimerais que tu m'en fasses parler. Je vais m'en occuper. On parle toujours des conneries, des bébelles, des autres, là, tu sais, ça va aller mal, il va avoir ça, mais c'est bon. Alors, il arrive ceci. Il y a des mouvements religieux, et toutes les religions s'entendent au minimum sur un point. Croissez et multipliez-vous. Ça nourrit les égrégores religieux. Bon, c'est des choses qu'on voit surtout au niveau du séminaire, mais comprenons juste le principe même qui sous-tend les religions. Croissez et multipliez-vous. Plus il y a d'humains, plus les dieux deviennent puissants, plus le peuple peut convertir. Deuxième loi, convertissez. Porter la bonne nouvelle, t'approcher dessus, en tout cas, il y a bon, mais des façons de dire l'idée. Convertissez. Si ça ne se convertit pas, éliminez. La chrétienté le pouvait le faire, on l'a vu pendant la chasse des sorcières, on l'a vu aussi longtemps pendant les convertissements quasiment apocalyptiques qu'on a eu ici, c'est-à-dire que tu embarquais ou tu mourais, les chrétiens l'ont fait souvent, l'islam l'a fait longtemps aussi, c'était à coup de sabre qu'ils ont grossi l'empire islamique. Alors, il y a cette religion-là. Et par la suite, donc, nécessairement, s'il y a convertir ou détruire, c'est que si tu détruis les fidèles d'une autre religion, ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus nourrir leur Dieu. Donc, le Dieu dans le monde de la mort qui dirige les fidèles qui entrent en guerre peut battre l'autre Dieu. Et dans l'Antiquité, on connaît Zeus, on connaît tous les problèmes que les dieux avaient. Ça reste encore un peu comme ça aujourd'hui. Alors, quand l'humain dit « on prie tous le même Dieu », c'est faux. On prie tous, ceux qui prient des dieux très différents, qui ont des noms très différents. Allah, c'est un nom. Manitou, c'est un nom. Mon Père, c'est un nom. Père, c'est un nom. Dieu, c'est un nom. Mon Dieu, c'est un nom. Ce sont tous des noms différents. C'est tous des égrégores différents? Oui, exactement comme Notre-Dame de Fatima, c'est la Vierge Marie. Notre-Dame de Lourdes, c'est-tu la même? On ne la prie pas de la même façon. C'est deux Vierges. Bon, puis il y en a plusieurs comme ça. Alors, ce sont tous des mécaniques. C'est une bataille d'égrégores, plus une... ça enclenche une guerre planétaire. Ça. Des politiciens. D'ailleurs, pourquoi on vous promet toujours le paradis plus tard? Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a cette première mécanique où il y a des phénomènes, des vecteurs qui obligent des masses complètes de l'humanité à se faire la guerre, et ils se sont toujours fait la guerre. Même si tout le monde est d'accord pour parler de paix, ça sera la paix sous tel Dieu. Mais il y a autre chose maintenant. Il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Les Freemasons, les fils de l'homme libre. Ça, c'est un mouvement qui date de très longtemps et il s'est scindé en plusieurs loges. Donc, il y a des loges canadiennes, évidemment. À travers du Canada, il y a aussi des décisions. Il y a des loges un peu partout sur le plan planétaire. La franc-maçonnerie, elle a aidé énormément à susciter la Révolution française. Et elle a éliminé ceux par qui elle avait travaillé. On peut parler de Guillotin, qui a inventé la guillotine, qui est mort guillotiné. On peut parler du roi de l'époque, qui l'avait ajusté la guillotine, qui est mort guillotiné. On peut parler de Robespierre, on peut parler d'un paquet de personnages. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc les Rose-Croix. Il y a le Priori de Sion. Les francs-maçons. Les francs-maçons, excuse. Les Rose-Croix, c'est en arrière. Les francs-maçons. Il y a le Priori de Sion. Le Priori de Sion, c'est le grand allié de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont les vestiges de la plus puissante sous-race de la race mère blanche, la race actuelle. C'est une race teutonique anglo-saxonne. C'est celle de qui on est les descendants. Et la franc-maçonnerie va naître surtout en Angleterre. Et c'est de là qu'elle va s'expandre. Le Priori de Sion est l'expression des sociétés secrètes qui représente la plus puissante des sous-races de la race atlantéenne, la race sémitique, qui va engendrer la race juive. On parlera de Sion, on parlera de sionisme. Bon. Le Priori de Sion prévoit la secte nazarite, nazaréenne, la secte des gentils, prévoit la descente de l'intelligence supramentale, donc de l'énergie christique, dans la secte nazaréenne. De ce fait, il y aura Jean le Baptiste ou Josué ben Joseph Jésus qui en seront investis. Jean le Baptiste en est investi, il a trop d'ego, il se fait couper la tête. Jésus de Nazareth, il vient, il accomplit une certaine mission, trop puissant. Il se retire en laissant à Lazare le comte de Saint-Germain. C'est toujours par Lazare que les choses arrivent. Et il laissera à Lazare les clés d'un contrôle planétaire, les clés du contrôle de la franc-maçonnerie et du Priori de Sion. Le Priori de Sion, c'est un plan essénien. Le plan essénien a comme contexte de faire en sorte qu'un jour, le peuple juif domine la totalité du plan planétaire. Mais on a déjà vu dans une conférence antérieure, et là, évidemment, on va loin. On parle de prophétie de toute façon, fait qu'on peut se permettre d'aller... On a déjà vu à un moment donné que... Non, pas dans une conférence, en séminaire. Très rapidement, les Juifs ont toujours été détestés, apparemment parce qu'ils ont tué le Christ. Longinus, qui est un soldat romain qui se réincarne dans le personnage de Perceval à l'époque du roi Arthur, est un bonhomme qui va nettement pas trop les Juifs. L'empereur Tibère, Adolf Hitler... Lui revient et décide d'exterminer le peuple juif parce qu'à l'époque, il se rend compte qu'il était manipulé par les Juifs pour éliminer le Nazaréen de la surface du plan planétaire. Revenant, de toute façon, il va forcer la destruction du peuple juif. Mais il arrive quoi? Il arrive que les Juifs ont toujours été rejetés. Ils l'ont été à l'époque atlantéenne, ils l'ont été à l'époque lémurienne, ils l'ont été à l'époque européenne, indo-européenne, donc l'époque actuelle. Parce qu'il y a comme une légende, quelque part, dans les annales akashiques qui dit que le peuple juif a vendu toute l'humanité à des extraterrestres. En échange d'un paradis, une Jérusalem planétaire, la Terre est uniquement pour eux. Bon. De ce fait, ils vont être rejetés par tous ceux qui sont manipulés par les voies intraterrestres. Les intraterrestres, qu'est-ce que c'est? Si vous feuilletez quelques librairies ésotériques et puis que vous regardez un peu dans certains livres où on parle d'extraterrestres, il y a aussi U Science et Vie qui en ont parlé un peu, National Geographic, il y a eu plusieurs autres comme ça. On dessine des personnages, il y a même des photos, toujours trop flou par exemple, les gars ils focus, ils savent pas, en tout cas. Et puis, quand on fait la représentation, on se rend compte que les extraterrestres apparemment qui ont été aperçus, ont tous des caractéristiques très particulières qui en forment deux clans majeurs. Ceux qui ont vu Rencontre du troisième type, il y a deux intraterrestres. Un grand long, E.T., c'est la même chose, et des petits. Les petits, c'est ceux qu'on en a parlé souvent, les petits bonhommes verts, etc. Ça, c'est un singe qu'un Mexicain a planté des clous dans la tête et a peinturé en vert. Bon, c'est les martiens, les petits bonhommes verts avec deux antennes. Mais on a toujours eu l'idée d'extraterrestres petits. Avec, de temps en temps, des extraterrestres extrêmement grands. Dernièrement, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Abyss, hein, pour ceux qui s'intéressaient à voir. Eh bien là, on voit que c'est les mêmes personnages que dans E.T., l'extraterrestre, E.T., mais là, ils sont sous l'eau, et ils viennent, bon, encore aider l'humain, et puis ils ont les mêmes grands bras, trois doigts, etc. Il y a deux caractéristiques fondamentales chez les intraterrestres, petits, un peu plus grands, trois doigts, cinq doigts, etc., etc. Et... Les intraterrestres sont des personnages auxquels c'est des questions en deuxième partie, on pourrait revenir un peu. Eux, ils manipulent totalement le contexte évolutionnaire planétaire parce que ce sont des bannis, premièrement, qui sont placés ici, en prison, et ils sont surveillés. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est parvenir à contrôler le contexte de surface simplement parce que leur peuple, qui a besoin de chaleur, besoin d'air un peu plus sulfureuse et nitreuse, C'est d'ailleurs eux qui vont manipuler les industries, donc, à polluer en acide nitrique et en acide sulfurique les plus acides, et qui vont aider aussi les industries à polluer au niveau du carbone pour créer un effet de serre qui va réchauffer la planète parce qu'ils ont besoin de plus de chaleur que ce qu'il y a présentement à l'extérieur. C'est par l'astral qu'eux vont fonctionner pour... Eux fonctionnent par l'astral, et surtout, eux vont fonctionner par l'assujettissement facile que l'humain en face de tout ce qui est spectaculaire. Donc, si j'arrive en hélicoptère dans un endroit aux Philippines, par exemple, sur l'île de Mindanao, en plein milieu de la jungle, pour aller voir des indigènes là-bas, s'ils n'ont jamais vu d'hélicoptère, ben nécessairement, je serai tout ce qu'ils voudront que je sois, et probablement même ce que je voudrais être. Tout ce qu'ils s'attendent de tout. Quand les Mayas ont reçu les dieux blancs qui venaient sur des montures, des animaux qu'ils n'avaient jamais vus, c'était prophétisé, ça. Il y a un bonhomme qui était passé là à faire une prophétie. Un jour, vous serez sauvés par des dieux à peau blanche qui monteront des animaux fabuleux à quatre pattes. Quand les Espagnols sont arrivés là à cheval, ben, ils ont sauvé les Mayas. Ils ont exterminé. Bon, alors il arrive ceci. Il arrive que les intraterrestres vont, à travers le temps, rencontrer des individus qui ont une certaine forme de notoriété et ils vont leur communiquer des prophéties. Et on appelle cela préparer l'avenir. Ils vont le fabriquer, l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont laisser des prophéties pour qu'à un moment donné, quelqu'un d'eux ou une personne manipulée par eux puisse venir se servir de la prophétie qui était engendrée et soudée dans la conscience collective des humains pour que les humains soient prêts à le recevoir. Et on va même démolir des petites choses, donc créer des guerres, comme la Deuxième Guerre mondiale, qui a totalement été engendrée par le sionisme, entre autres, et par la franc-maçonnerie, aidée un peu par Adolf Hitler, mais c'est quand même un sang juif. Et on va préparer des holocaustes pour finalement venir régler des problèmes, dans le but de bâtir une surface planétaire avec l'aide des humains, dans le but aussi de piquer de la génétique. Hein, on sait que pendant longtemps, les extraterrestres, apparemment, ils volaient des vaches. Ils leur arrachaient le cœur, le cerveau, les yeux, la langue, les parties génitales. Bon, et on sait depuis au moins 20 ans, qu'il y a fréquemment dans les pays, c'est surtout recensé aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, en Union soviétique, il y en a aussi, mais c'est encore un peu à huis clos, et il y a énormément de femmes qui sont enlevées, qui sont retrouvées par la suite, elles sont enceintes, à un moment donné, elles disparaissent encore, elles reviennent, elles ne sont plus enceintes. Alors, on les met enceintes, on prend leur fœtus à un moment donné, les expériences génétiques qui sont faites, dans le but d'associer la race extraterrestre à la race humaine. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'à date. Bon. Alors, il y a cette chose-là. Premièrement, il y a une mécanique extraterrestre qui tend à manipuler une partie du peuple humain pour que celui-ci puisse, à un moment donné, donner l'humanité aux extraterrestres et leur donner, en l'occurrence, leur génétique. C'est un mouvement éloïmique, surtout, que d'ailleurs elle a rencontré. Mais est-ce que l'intervention de Lazare là-dedans, t'as dit tantôt que Lazare était celui qui avait les clés. C'est lui qui a, t'as déjà dit dans une conférence antérieure, qui avait fondé l'Ordre des Rose-Croix, l'Ordre des Francs-Maçons aussi. Est-ce que ça, c'est une intervention qui va venir contrebalancer les manipulations astrales engendrées par les intraterrestres? Bon, originalement, il arrive ceci. Originalement, l'islam entre en guerre. Pourquoi l'islam entrerait-elle en guerre? Alors, dernièrement, ils ont attaqué l'Irak, le Koweït. Ils sont même prêts à attaquer d'autres peuples qui sont islamiques. Évidemment, des peuples qui sont juifs aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit dernièrement? Bien, l'islam, très manipulé par la mécanique intraterrestre, a dernièrement averti l'humanité. Si les Américains ne se retirent pas, c'est sur Israël qu'on lance nos bombes. Pourquoi chez les juifs? Pourquoi pas chez l'Arabie saoudite? Saoudite d'Arabie? Ah oui. Ou encore chez les Américains. Non, on avertit. Et Israël ne bougeait pas. Israël était neutre. Mais Israël sait très bien que l'islam, c'est contre les Juifs qu'ils vont en avoir au maximum en premier. Un lèguera l'humanité au peuple intraterrestre. L'autre l'a déjà vendu au peuple extraterrestre. Entre les deux, il y a l'humanité. Michel de Nostradamus ne prévoit pas cette mécanique. Il prévoit, par contre, qu'il y aura une alliance entre les Russes qui sont très mentaux, hein, c'est développer le mental, et l'islam. Il y aura une guerre sainte, une guerre religieuse. Les États-Unis d'Amérique seront le gardien du contexte planétaire au maximum de leur économie. Et à un moment donné, il y aura presque perte de la guerre par le contexte américain. Et là, subitement, inexplicablement, dit Michel de Notre-Dame, les Russes vont briser leur association avec l'islam, s'associer en secret avec les États-Unis d'Amérique, et là, ils vont renverser l'islam, et à partir de cela va commencer le millénium, 13 800 ans de paix. Maintenant, Michel de Notre-Dame finit très rapidement comme ça. Parle de 1999, les 3-6 à l'envers. Bon, maintenant... Ça veut dire quoi, les 3-6 à l'envers? Au niveau des prophéties? C'est parce que j'ai une moustache où je disais ça. T'en es plus, moi. Ah ben c'est ça, là, c'est pas pour toi que je dis ça. Okay. Si quelqu'un a une moustache pour poser la question à mon frère, c'est trop tard. Ça t'apprendra. De toute façon, t'avais travaillé plusieurs années, ça pousse. Ouais. On en reparlera en 99. Bon. Maintenant, ce qui était très important à comprendre, donc, c'est que Michel de Notre-Dame a préparé un chemin. Il y a beaucoup de prophètes qui ont préparé un chemin pour que l'humanité se dirige dans ce chemin. Ce sont des prophéties préparées pour que l'humain se dirige là-dedans. Et dans ces prophéties, on a prévu, on ne sait pas de quand sera le temps, on a prévu des endroits particuliers, des points clés, où un individu manipulé vient intervenir et là, tout le monde peut le reconnaître parce que finalement, il a été prophétisé. Il correspond à la description de la prophétie. Il est attendu. Les prophéties servent à cela. Les prophéties, à quoi ça sert de donner à l'humain des prophéties s'il ne pourra jamais rien y changer? Ben lui, il faut qu'on pose la question. Il ne savait pas nécessairement à quoi ça servait. Non. Il était manipulé. Mais je parle aux gens, je parle à toi, je parle aux gens d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Bon, hein? Jean de Patmos prévoit l'Apocalypse. Seuls les bons seront sauvés. Comment on fait pour être bon? Et allez voir les témoins de Jéhovah, ils vont vous le dire. Allez voir les Mormons, ils vont vous le dire aussi. Bon, allez voir les Krishna, ils vont vous le dire. Mais là, finalement, tout le monde est bon, mais tout le monde est mauvais, tu sais plus où aller. Alors finalement, ça devient un jeu de dés. C'est bon par rapport à qui, par rapport à quoi? Mais oui. Mais bon, ce que Michel de Notre-Dame ne prévoit pas, c'est l'intervention de l'intelligence supramentale, donc d'une intervention... Ben, il prévoit le retour du Christ. Mais ça, c'était pas le premier à le dire. Qu'est-ce que c'est que le retour du Christ? Un personnage qui se pointe comme ça, qui vient faire des guérisons sur la rue? Le Christ n'est pas puissant. Parce que dans une planète christifiée, il n'y a plus de guérison à faire. Écoute, vous voyez-vous, vous, être la réincarnation ou la descente du Christ, passer le reste de votre éternité à guérir le monde sur la rue? Qui se brosse pas les dents? Puis qui mange tout croche? Là, vous allez dire, eh non, non, non, quand le Christ va revenir, les gens vont subitement l'écouter. Ben voyons donc, on sait tous qu'il faut qu'on fasse notre santé, puis on s'écoute même pas. Alors le Christ, il va venir vous dire quoi? Tu viens de te chicaner, là? Aime-le. J'allais faire comment pour l'aimer? On fait toujours plus confiance à ce qu'il nous est dit de l'extérieur. Ah, même pas, tu pourras même pas. Ça va fonctionner une semaine ou deux, un an ou deux. Mais ça peut pas aller. Pourquoi? Parce que tant que l'humain ne sera pas intelligent, il peut pas être gouverné par de l'intelligence. Le retour du Christ, c'est un retour de l'énergie christique, ce que le Nazaréen appelait l'Esprit Saint. Un esprit pur, non coloré par les mémoires de l'homme, par l'âme. Et ça, c'est quand le retour du Christ, c'est simplement une descente d'énergie christique. Énergie christique, c'est un terme alchimique qui date de très longtemps, qui, en québécois, se prononce énergie supramentale. C'est la même chose. Supérieur au mental de l'humain. Mais quand on parle d'énergie, Michel de Notre-Dame dit « si l'être humain devient intelligent ». L'intelligence supramentale, c'est une intelligence active. Qu'est-ce que c'est que de l'intelligence active? Il y a l'intelligence passive, que moi j'appelle l'intellectuance, c'est-à-dire que ça nous permet d'être brillants seulement en fonction de ce qu'on a appris et de notre capacité de nous rappeler ce qu'on a appris. On est très intellectuel quand on réussit des examens scolaires. Maintenant, l'intelligence, c'est la capacité de savoir une chose sans l'avoir apprise. Ça, c'est intelligent. Alors, je dis de temps en temps que toi, tu te promènes dans le bois, là, et puis à un moment donné, tu as deux champignons. Tu as faim. Il y en a un qui est comestible, il y en a un qui est toxique. Tu as une amanite phalloïde, puis tu as un bolet. Bon. Lequel est qui? Alors là, tu te dis, bon, je sais pas, moi. Il n'est pas intelligent. S'il dirait, attends un peu, je m'en rappelle, il est intellectuel. C'est-à-dire qu'il est investi d'intelligence passive. Une intelligence qui dépend de sa mémoire. S'il serait intelligent, mais il mangerait le bon. Ça, c'est intelligent. Un individu qui est investi d'intelligence ne se perd pas. Il n'est pas malade. L'individu investi d'intellect, tu as intelligence passive, a des problèmes. Je vois la scène que tu décris, puis moi, il me semble que je ferais un commercial avec ça, je me lèverais les yeux, puis je verrais un gros M jaune, il y aurait un McDonald's. Ça, c'est de l'intellectuance encore, l'intelligence, de pas manger. À bas les champignons et un McDonald's. En attendant, on fait une pause café. C'est ça. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. Charles va vous les lire. À tantôt.